Daniel, comment on peut vivre un célibat en paix? Ben, c'est en n'ayant pas sorti d'une relation de couple en guerre. Les gens qui sont en célibat par réaction sont généralement dans un climat de guerre, dans leurs conditions de solitude, parce qu'ils vivent encore avec le passé. Une personne qui se dégage, disons, on va dire, du couple, pas nécessairement sur une base de divorce violente, là, mais simplement parce que, on va dire, l'étape de la vie à deux semble avoir atteint un certain sommet, puis dégagée de ce type de relation, la personne se sent mieux seule parce qu'elle peut bénéficier plus d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie. Tout ça suppose que pas mal de problèmes financiers qui sont réglés, dans le sens qu'on a un bon travail ou qu'on a des acquis financiers importants, et qu'on se remet pas en question non plus dans le fait d'être seul, parce que souvent dans la société, les gens seuls sont comme qualifiés de personnes handicapées, parce qu'on dirait que le couple est toujours l'élément complet, puis l'élément célibat, c'est l'élément partiel. Mais si une personne sort d'une relation intime, d'une relation de couple, sans se poser la question, est-ce qu'il me manque quelque chose? Mais là, en général, elle est en paix. Mais elle est en guerre si elle a l'impression d'avoir perdu un couple, ou si elle a l'impression que la vie en couple est supérieure à la vie en célibataire. La vie de célibataire, c'est supposé être aussi complet quand tu es en paix que vivre à deux en paix. Mais qu'est-ce que tu fais avec les besoins? Ben, des besoins en général, tout le monde a des besoins, puis tout le monde dans la société, même en couple, ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins en couple seul. Je parle deux personnes qui vivent ensemble ne sont pas capables à deux de répondre à tous leurs besoins. Ils sont obligés de se tourner vers d'autres personnes. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être un paquet de choses qui touchent une dépendance économique quelconque qui exige d'être répondu par d'autres. Ben, la personne seule, il y a juste qu'elle doit organiser seule ce qu'elle organisait à deux. Mais là, si tu me parles de besoins sexuels, il y a plus de possibilités tout seul que de possibilités quand tu es en couple. Parce qu'en couple, c'est un partenaire. Il y a ceux, évidemment, qui sont tannés, qui commencent à ouvrir le couple vers plusieurs partenaires, mais déjà là, ça ébranle sérieusement le couple. Mais une personne seule, techniquement, elle a plus d'avantages de rencontrer plusieurs partenaires, ou quand ça y tente. T'sais, si ça y tente pas pendant 6 mois, ben, à main X là-dessus, puis c'est réglé. Il n'y a pas personne qui reproche de ne pas se lancer dans une passion quelconque. Fait que tu as l'avantage d'avoir la paix parce que tu n'as pas personne sur le dos, c'est le cas de le dire. Mais si tu es tout seul puis tu as besoin d'un partenaire, c'est une affaire de séduction. Dans un couple, c'est une affaire de séduction, puis tout seul, c'est encore une affaire de séduction. Fait que c'est de la séduction anyway, si on parle de sexualité. Là. OK. Mais tu sens pas nécessairement que tu peux bâtir quelque chose avec quelqu'un. C'est quoi bâtir quelque chose? S'acheter une maison, il y a des gens qui sont capables de faire ça tout seul. Avoir un job, t'es capable d'avoir ça tout seul. Avoir des amis, t'es capable d'avoir ça tout seul. D'ailleurs, t'as les amis que tu veux. En couple, t'as pas toujours les amis que tu veux. Si vous êtes capable de penser la solitude comme n'étant pas un handicap, étant comme une condition, pas supérieure à la relation de couple, mais simplement une condition. Tu sais, il pleut, il fait soleil, il y a des nuages, il y a des nuages. Bon, mais si c'est une condition, point, là, qui fait partie, disons, du roulement de la vie, puis que c'est pas un problème pour vous de considérer les désavantages d'un ou les désavantages de l'autre, vous dramatisez pas. Premièrement, être seul, faut le faire, hein. C'est toute une expérience de vouloir être seul, parce que pas rencontrer personne, là, faut que tu ailles loin dans le désert ou dans le bois ou, tu sais, en quelque part, pour pas qu'il y ait vraiment personne. Parce que il y en a du monde sur la planète, là. Tu sais, quand on dit que il y a des milliards de personnes, c'est vrai, là, c'est pas une joke, là. Pas juste à la TV qui passe ça. Mais tu peux te mêler à beaucoup de gens, puis beaucoup de gens peuvent t'apporter un petit peu de quelque chose. Puis c'est une illusion totale de penser que dans un couple, l'autre va tout te donner. C'est impossible. Parce que, ultimement, une personne qui vit au monde, elle vit au monde toute seule. Elle a sa mère, elle a son père, elle a une famille. Mais elle vit au monde toute seule. Tu meurs toute seule. Puis toutes les grandes décisions de ta vie, t'es contient toute seule. Tout ce que tu fais d'important dans la vie, c'est toujours toute seule. Il y a du monde pour te regarder. Il y a du monde pour te donner la réplique. Il y a des gens qui sont là pour te donner des conseils. Mais ultimement, ce que tu contiens dans la vie, c'est toujours tout seul. Tu souffres, t'es malade, t'es tout seul. Le couple, c'est un phénomène d'accompagnement. Mais une personne seule peut très bien être accompagnée par la bonne personne pour la bonne affaire au bon moment. Tandis que vous pouvez avoir un partenaire qui n'est pas nécessairement la bonne personne au bon moment pour la bonne affaire. T'sais, mais il va faire un effort gracieux et important, mais ça sera pas quand même pas la bonne personne parce que tu vas avoir besoin d'une autre personne pour faire ce qu'il y a à faire. T'sais. Mm-hmm. C'est quand même une autre adaptation parce que c'est plus comme les... Dans le temps, avec nos systèmes de valeurs, on avait une façon de penser, on était avec quelqu'un et qu'on pensait d'avoir toute la même personne. Maintenant, tu peux être en célibat puis aller chercher ce que tu as besoin, qui te balance ou qui balance tes vibrations. Puis tu peux être aussi bien, surtout s'il y a de l'échange. C'est ça. Mais le point qu'il faut pas perdre de vue, c'est que faut que vous soyez capable de vous mettre en échange quand vous êtes seul. Mm. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être en échange, de trouver un environnement social ou un environnement humain assez intelligent pour justement balancer vos fameuses vibrations, mais là, à ce moment-là, vous êtes mieux d'être à deux. Parce que le couple, même si c'est pas parfait, c'est mieux qu'une solitude mal balancée. Une personne qui est pas capable de supporter la solitude, souvent c'est une personne qui ne sait pas échanger avec son milieu. Mm-hmm. Elle a des problèmes dans son travail, elle a des problèmes dans ses relations sociales, amicales, elle souffre de manque de permanence dans ses échanges, plutôt que de voir la permanence dans les événements, c'est-à-dire d'établir des relations sur lequel son besoin, qui est passager et temporaire, doit être vécu pour une période relativement courte, puis que quand c'est terminé, elle passe à d'autres choses. La personne qui est pas capable de passer à d'autres choses, qui est pas capable de prendre sa perte, elle vit très mal la solitude parce qu'elle est possessive. Disons que le couple, c'est bien mieux adapté aux gens qui sont insécures et possessifs. Parce que pour vivre seul, on est obligé de régler un sérieux problème de contrôle et de possessivité. Moi, je remarque que les gens qui supportent pas leur solitude bien, c'est des gens possessifs, des gens contrôlants. Tandis que quand vous êtes seul, vous êtes obligé de laisser aller. Il y en a beaucoup de pertes dans le célibat. Il y a beaucoup de gens qu'on voit passer dans notre vie avec lesquels on vit un bon moment, mais un temps relativement court. Tu sais, ça va durer quoi, 2-3 ans, puis après ça passe. C'est fini. 2-3 ans, là, je suis généreux. Il y en a que c'est 2-3 semaines. Fait que c'est comme, t'es en voyage tout le temps quand t'es célibataire. T'es comme dans un constant nowhere, mais tu peux te faire des bons amis. C'est, au niveau de la communication, surtout, ça stabilise le corps émotionnel, ça dépolarise. Quand t'as des bons amis, là, des gens qui sont objectifs, puis qui sont pas là comme profiter de la situation quand t'es vulnérable. Parce que quand t'es tout seul puis t'es malade, t'as personne à t'occuper. C'est des amis, il faut qu'ils s'occupent de toi, là. Puis c'est des gens qu'il faut qu'ils soient relativement engagés. Dans un couple, c'est comme si ça fait partie du contrat que l'autre s'occupe de toi. T'sais. S'il s'occupe pas de toi, ben une fois que tu vas remonter à la pente, que tu vas être guéri, mais tu vas flusher ton chum ou tu vas flusher ta femme parce que tu vas dire, écoute, là, tu me supportes pas quand ça va mal. Fait que c'est sûr que sa solitude, c'est un risque. Je pense qu'une personne qui est seule, c'est un peu comme si elle faisait de la moto. Puis une personne qui est en couple, ben elle roule en auto. Fait qu'il y en a un, c'est 4 roues, l'autre, c'est 2 roues. Ben, c'est plus trilant sur 2 roues. Mais c'est plus sécure sur 4 roues. Puis quand il pleut, ben, il y a une couverture. Tandis que là, t'as juste, en moto, t'as juste un casque sur la tête. Puis il faut que tu sois bien habillé. L'évolution d'un couple, c'est sûr que c'est supérieur quand ça va bien au célibat. Mais comme les couples sont pas des éléments qui sont satisfaisants pour la majeure partie des gens, il y a beaucoup de gens qui plongent dans le célibat justement pour mettre un terme à leurs insécurités puis aller chercher une autonomie qui sont pas capables de se créer en couple. Donc, ils se disent, mon partenaire, je compte trop dessus. Puis en comptant trop sur mon partenaire, ben je vais pas chercher les anticorps contre les agressions sociales ou les agressions financières ou les agressions de vie, fait que ça me rend plus vulnérable à long terme. J'ai vu beaucoup de femmes célibataires dire qu'ils voulaient pas avoir de trop de support d'un homme ou trop de support de leur famille pour pas développer trop de dépendance. C'est pas parce qu'ils en avaient pas besoin de support, des fois ils en avaient énormément de besoin, mais c'est comme s'ils voulaient se protéger contre une forme quelconque de prise en charge qui savait qu'il était naturel, tu sais, dans le sens qu'ils savaient que s'ils se laissaient mettre en situation de vulnérabilité, que l'autre prenait trop de décisions à sa place ou qu'elle prenait carrément en charge, ben était pour avoir un handicap à long terme parce que le mari était pour mourir, tomber malade ou quoi que ce soit, puis là ben whoop, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc, faut quand même, dans notre société, on voit beaucoup de femmes qui développent, je dirais, un esprit de célibataire dans un sens, tout en conservant une relation intime, une relation de couple, mais qui doivent penser d'une façon autonome, d'une façon un petit peu isolée du partenaire pour pouvoir être capable justement de développer les anticorps qu'il faut contre les crises. En couple, mais t'es capable d'avoir des périodes de temps qui sont purement à toi, là, tu sais, qui sont comme quand t'es célibataire. Oui. Parce que célibat, si ça connecte, moi, s'envoyer en l'air sexuellement, ça, c'est pas le bon beat. Parce que si t'es célibataire juste pour avoir du sexe, t'as pas de maturité. Puis si t'as pas de maturité, t'es en danger. Tu vas inévitablement retomber dans un couple, si t'es capable, à un certain moment donné, parce que là, si t'as trop d'expérience sexuelle, à un moment donné, t'es plus capable de te trouver de partenaire, parce que c'est ton critère, ça devient le sexe. Puis les gens qui trippent bien gros, habituellement, ils trippent parce que c'est nouveau, ils trippent pas parce que ça dure longtemps. Une relation, au bout de 5-6 ans, là, veux pas, t'as fait le tour du corps de la personne avec qui t'es. Là, c'est les deux premières années, en général, là, qui font vivre une passion, mais après 2 ans, là, t'as pas mal éteint tous les feux. Là. Mais la dynamique d'une relation de célibataire, faut pas que ça soit basé sur le sexe. Faut que ça soit basé sur une recherche sérieuse d'une autonomie, puis d'un point d'équilibre. Quitte à dire, ben moi, je vais vivre une forme de célibat pendant un certain temps dans ma vie, pour ne pas avoir peur d'être seul si jamais je suis en couple. Puis quand la personne revient en couple, ben elle a la capacité de conserver son autonomie, puis de pas chercher à être prise en charge. Mm-hmm. Je pourrais pas dire que ça devrait exister, disons, on peut pas dire on va à l'école pour apprendre à être célibataire, mais je pense que la capacité d'être seul, même si tu vis à deux, c'est important, parce que ça donne à un individu une autonomie qui est pas facile à créer quand tu es en couple, parce que veux pas, t'as tendance à te fier sur l'autre pour résoudre des problèmes que tu penses que t'es pas capable de résoudre. En réalité, tout le monde est capable de résoudre tous les problèmes. Peut-être pas tout parfaitement. T'as toujours un partenaire qui fait mieux que toi certaines choses. Ça, c'est évident. Qui peut faire plus d'argent. Donc, te donner un train de vie que tout seul, tu serais pas capable de te donner. Comme je vous disais tout à l'heure, vivre à deux, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pire si t'es pas autonome. Parce que la célibataire autonome est plus fort qu'un couple qui l'est pas autonome. Ben, un célibataire autonome, là, c'est autonome autant matériellement que mentalement, naturellement. C'est ça. Puis émotionnellement. Surtout émotionnellement. Matériellement, c'est facile. T'sais, on est dans une société qui est quand même pas pauvre. Puis matériellement, tu t'en sors bien. T'sais, si tu touches au mental, ben, il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'éducation, puis qui arrivent dans la quarantaine avec quand même une bonne expérience de vie. Là. Si t'as un bon sens d'observation, puis que t'as pas peur de foncer dans la vie, mentalement, là, tu fonctionnes bien. Si t'as peur de foncer parce que t'as une éducation tout croche de tes parents, ben, que tu sois en couple, que tu sois tout seul, tu vois les mêmes bébites, là. Ouais. C'est un conflit qui est intérieur, qui se règle pas parce que t'es tout seul ou t'es à deux. Ça se règle parce que tu le règles, point. Mais quelqu'un qui a une bonne expérience de vie puis qui est capable de faire face à ses démons intérieurs, ben, c'est sûr que cette expérience-là de la vie, tu vas l'avoir autant en couple qu'à deux. Thank you. Mais où ça devient plus délicat, la solitude, c'est dans l'affectivité, le manque d'enveloppe. C'est sûr qu'une personne qui est seule, elle peut avoir un problème d'enveloppe. Mais ils sont pas rares non plus les gens qui sont en couple puis qui ont des problèmes d'enveloppe. Des fois, ils ont un problème d'enveloppe parce qu'il y a un des partenaires qui est moins sexuel que l'autre ou moins affectueux que l'autre. Il y a aussi un autre problème d'enveloppe par le fait qu'ils sont dans une relation où il y en a un qui critique tout le temps. Ça, la critique, ça déracine l'enveloppe. Ça enlève chez l'individu une volonté de vivre à deux. Tu sais. Puis dans le phénomène de la critique, ben tu finis par sentir que t'es pas bien, même si t'es chez vous. Fait que t'es chez vous, mais t'es pas chez vous. T'es chez vous physiquement, mais t'es pas chez vous mentalement. Parce que l'autre est toujours en train de te négocier ta valeur, ta présence, ton autorité, ton centre décisionnel. Fait que ça devient, que t'as plus ton espace. Fait que ça, dans une relation où on vit de la solitude, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de manquer d'affection, mais tu sais, manquer d'affection, si t'es avec quelqu'un qui t'en donne, mais qui te l'enlève trois quarts d'heure après, c'est quoi? T'as rien, là. Qu'est-ce que tu dis qu'il t'enlève trois quarts d'heure après? Ben, il fait l'amour, c'est divin, mais si au bout de trois quarts d'heure, il y a quelque chose qui est pas fait à son goût, ben là, il critique. Et que ça coupe le feeling pas mal, ça, là. Même si, comme on dit, la relation est consommée. Fait que si c'est le sexe qui est toujours l'affaire qui règle tout, il n'a pas de couple. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Puis s'il y a juste du dialogue, il n'y a pas nécessairement d'enveloppe non plus. Tu sais, il y en a que, bon, on va parler. Oui, mais, tu sais, on va parler, ça règle pas tout, là. Il y a des gens, ben, c'est juste le sexe. Fait que, tu sais, il y a des déséquilibres qui peuvent se créer dans une relation à deux. Mm-hmm. Tandis que quand t'es tout seul, ben, c'est entendu que tu vas être tout seul. Fait que si t'as quelqu'un balancer ton affectivité en jasant ou en parlant, tu peux avoir des amis de filles pour une femme, tu peux avoir des amis d'hommes pour un homme, tu peux avoir des amis d'hommes pour une femme, puis femme pour un homme, puis tu le quittes, ça. Puis ça peut rester au niveau de la communication, mais au moins, ça, c'est clair. Tu sais, c'est dit, puis c'est respecté. Quand on dit qu'il y a une relation sur une base sexuelle, ben c'est aussi entendu que c'est sur le plan physique que la relation est pas basée sur une appartenance. Là, tu vas dire, oh, moi, ça va nulle part, tu sais, c'est vivre dans des hôtels, tu sais, t'as jamais de chez vous, là, t'es toujours dans un espace temporairement. Bon, c'est vrai que quand les gens parlent de bâtir, les gens parlent automatiquement de posséder quelque chose, puis de le contrôler pendant 30 ans. Mais si tu réalises, parce que dans le fond, une personne autonome, tu peux pas y mettre le grappin dessus, tu peux convenir avec, tu peux vivre un consentement, tu peux partager un consentement, mais tu peux pas posséder quelqu'un. Fait que posséder quelqu'un, c'est bon pour les gens insécures. C'est pour les gens qui ont un doute d'eux-mêmes puis qui ont besoin absolument que l'autre soit une garantie pour eux autres pour se sécuriser au niveau de leur image sociale vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de paquets d'éléments. Un exemple, si tu es en relation, tu me dis, mettons, que ça prend un minimum d'engagement. C'est quoi la différence entre un minimum d'engagement envers l'autre ou une possession? Parce que si c'est un minimum d'engagement, ça veut dire qu'à quelque part, c'est ça, c'est une forme de possession. Oui. C'est quoi le problème? Ben moi, je vois possession comme si c'est pas bon. Ouais. C'est quoi la différence entre louer une auto puis acheter une auto? Ben, l'acheter, t'as possède. Puis la louer, ben, tu l'as selon le besoin, là, tu sais. Puis l'utilisation, c'est différent? Non. Et voilà. Tu l'utilises pareil? Le célibataire, c'est un locataire. Puis celui qui est marié, c'est un acheteur. C'est une possession. Fait que dans le Mais fond, l'utilisation, est-ce qu'elle est la même? Oui. Oui, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on peut ne pas posséder et utiliser autant que celui qui possède. Oui, mais ça, c'est pas évident. Je le sais. Ça, là, ça fait, écoute, moi, comme sûrement plein d'autres, là, c'est pas une façon qu'on est bâti, puis notre système de valeurs, c'est comme ça, c'est dur dans nos corps, ça. Je vous souhaite tout un couple. Je vous souhaite. Moi, j'aimerais rester célibataire, mais combler mes besoins. T'sais. Oui, moi, je vous souhaite tout un couple. Mais je vous dis, si le couple fonctionne pas comme vous voulez, regardez pas la vie de célibataire comme des handicapés. Mais non, moi, je veux absolument pas. Je trouve pas que c'est handicapé être célibataire. C'est ce que je veux faire. Un exemple. Être célibataire, puis être capable de balancer tes vibrations, pas posséder, pas être possédé, évoluer, s'aider à grandir, là. Il y a des gens qui sont mieux mariés, OK, ils sont mieux de se marier parce que célibataires, ils ne pourront plus jamais balancer les vibrations. Ils n'ont pas l'apparence physique qu'il faut pour pouvoir se choisir un partenaire. S'ils tombent sur quelqu'un qui les accepte, qui ne leur fait pas vivre de rejet, ils sont mieux d'être dans ce type de relation-là parce que célibataire, il faut s'entendre, là, c'est vraiment le marché de la viande. C'est une place où il faut vraiment être conquérant. Il faut être dans un échange avec du monde. Il faut avoir du cash ou il faut avoir du sex appeal. Puis il faut avoir du sexe qui fonctionne. Fait que là, là-dessus, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la libido pour pouvoir établir un courant avec plusieurs partenaires. Si tu n'as pas ça, tu es mieux d'avoir un couple parce que pas de couple, tu ne pourras pas balancer ça. On te regarde pour ce que tu as l'air. On te veut pour ce que tu as l'air ou pour ce que tu vaux. Mm-hmm. Quand c'est un homme, c'est pour ce que tu vaux. C'est pas rare de voir une femme qui cherche un gars riche pour avoir un gars qui l'entretient. Mm-hmm. Ça, c'est le standard du comportement instinctif des femmes, comme c'est le standard de l'homme de vouloir avoir une acquisition en mettant le prix, comme on dit, pour qu'une femme soit entretenue par lui et qu'elle soit sa possession. Ça, c'est un standard instinctif. Ça évolue après ça. Il y a des couches supérieures qui apparaissent quand le gars a vécu des prises de conscience, puis quand les femmes ont vécu des prises de conscience. Puis éventuellement, ils cherchent une relation où ils disposent d'une liberté et d'un respect. Parce qu'au début, c'est la liberté que tu trouves, mais c'est pas le respect. Mais quand tu réussis à trouver ta liberté, tu peux arriver à imposer le respect. C'est quoi la liberté puis le respect? La liberté, c'est une mobilité. T'es mobile. T'as pas de compte à rendre. Quand t'es respecté, ben, t'es pas regardé strictement sur ce que t'as l'air ou sur ce que tu vaux. T'es regardé pour ce qui se dégage dans l'échange, en fonction de l'événement que vous avez à partager, en fonction du karma que vous avez à balancer, en fonction d'une structure que vous devez partager pour arriver à un résultat ou à un bien-être quelconque. C'est là que s'établit le respect. Les gens qui peuvent respecter une personne sont toujours personnellement intéressés à respecter l'autre parce que ça les avantage personnellement de respecter l'autre. Donc, le respect, c'est pas gratuit. C'est quelque chose qui se fait en fonction d'une circonstance puis d'un événement particulier. Par contre, la personne doit être libre pour être respectée. Fait que si vous êtes dans un couple puis que votre mari vous respecte, c'est parce qu'il y a une certaine tension de vous perdre. Puis l'attention qu'il y a de vous perdre, c'est parce qu'en quelque part, vous disposez d'une certaine liberté. Une femme qui n'est pas libre ou un homme qui n'est pas libre est rarement respecté de son partenaire. Parce que son manque de liberté la rend extrêmement vulnérable, ça invite l'autre à prendre le contrôle. L'autre va dire, il faut que je contienne ça, il faut que je prenne des décisions, l'autre n'est pas capable, papa. Mais dès que tu présentes dans l'échange, dans une relation intime, une vulnérabilité dans un processus décisionnel parce que tu manques d'une certaine mobilité, ça dérape sur le respect. Ça dérape facile. L'autre va te dire qu'il t'aime, mais ça dérape tout le temps. Moi, j'ai vu bien du monde, même dans mes très proches, qui disaient qu'il aimait. Mais comme l'autre manquait de mobilité, il aimait, mais il possédait. Puis c'était plus fort la possession que l'amour qu'il avait. Puis il disait pourtant qu'il aimait. Puis c'était peut-être potentiellement vrai, mais j'aurais voulu voir une crise où l'autre aurait fait un travail sérieux de mobilité, de liberté, pour voir si l'autre il aurait été capable d'accepter la liberté et la mobilité de l'autre et voir vraiment si dans cette condition-là, il était capable encore d'aimer ou de dire qu'il aimait. Là, il aurait peut-être dit pour sauver la face, là, mais je ne suis pas sûr qu'il l'aurait vécu comme ça. Il aurait vécu ça comme une perte de contrôle puis un affront à sa domination. T'sais. Surtout chez l'homme en particulier, c'est plus aigu ce phénomène-là. Peut-être pas dans la nouvelle génération, malgré que, encore là que c'était vérifié, l'instinct, c'est l'instinct. Mais c'est une situation que je considère essentielle, la mobilité en premier, pour éventuellement installer un respect. Le respect étant une conséquence. Célibataire, pourquoi qu'on a l'impression que c'est ceux qui ont un couple qui devient l'enjeu pour le célibataire? Puis ceux qui sont en couple et qui sont pas bien, ben ceux qui voient les célibataires être bien, mais ils se disent l'enjeu, c'est d'être célibataire. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais sur le bon siège? C'est ça la question. Ouais, c'est on dirait que j'imagine, là, parce que je l'ai vécu avant, où c'est qu'à un moment donné, t'es comme rassasié de quelque chose, tu veux passer à d'autres choses. T'as besoin d'un projet. Okay. Si t'as pas de projet, mais si t'as des projets, t'es correct. Ben, si t'es célibataire, t'as des projets. T'as des projets, t'es comme, t'es bien. OK. Puis si t'es en couple, t'as des projets, t'es bien. Bon, c'est le projet qui fait que t'es bien. Donc, c'est l'échange. Ouais. Donc, le problème, c'est pas ni d'être célibataire, ni d'être en couple, c'est d'avoir un projet avec lequel on a un échange, une communication, puis une certaine appréciation, puis voire même une certaine affectivité qui détermine le niveau de bien-être qu'on peut avoir dans les deux registres. Si je dis, exemple, une personne qui a l'équilibre dans ses confidences, dans son intimité, qu'elle soit célibataire ou en couple, elle va être bien. Êtes-vous bien, vous, avec ça? Ouais, je suis bien avec ça. Bon. Vous êtes aussi bien célibataire que vous êtes capable d'avoir un talking partner ou une confidence avec un environnement que vous avez confiance. Puis dans cet échange-là, vous êtes capable de vous bâtir parce qu'ultimement, c'est vous le projet. C'est pas quelque chose de matériel nécessairement. Fait que si vous êtes capable de vous bâtir dans un prétexte matériel ou dans un projet à court ou à long terme, ben vous êtes bien. Puis en couple, techniquement, c'est ce que les gens visent à vivre. Le couple, là où ça devient vital d'être en couple, c'est quand on a des enfants. Avec la quantité industrielle de divorces qu'on voit apparaître, les enfants peuvent être bien éduqués, même si les parents sont pas nécessairement ensemble. Mais j'avoue que c'est mieux d'être à deux pour élever des enfants, puis que ce soit les mêmes parents qui développent pendant 20 ans. Là. Ça, c'est sûr que c'est mieux. T'sais, on dira pas c'est mieux d'être célibataire, mais on va dire que c'est mieux pour faire une éducation d'enfant, donc une famille, d'être à deux, puis d'avoir des ni plus ni moins qu'une relation qui va bien. Mais si ça va mal, c'est mieux d'être célibataire. Mm-hmm. Je dis tout le temps aux gens, si vous avez peur d'être seul, c'est bon que vous soyez tout seul. Si vous avez peur d'être à deux quand vous êtes seul, ben c'est bon que vous passiez par l'expérience de vivre à deux pour régler votre peur. Mais ça revient toujours à régler quelque chose de personnel, que tu sois en couple ou que tu sois seul, c'est la peur que tu as à libérer ou à dégager qui est importante, à nettoyer, si on peut dire ça de même. Mais pour les gens en général, le phénomène du couple, socialement, au niveau culturel, comme vous l'avez souligné tout à l'heure sur votre question, c'est ça qu'il faut vivre. T'sais, ultimement, il faut que tu finisses avec quelqu'un. Mais vouloir finir avec quelqu'un, dans quelle mesure c'est pas de l'insécurité? Peur d'être malade, peur de manquer d'argent ou quoi que ce soit. Prends quelqu'un qui est en bonne santé puis qui a pas de problème de finances, puis qui a pas de problème de projet avec des amis. Y a-tu besoin de vivre un couple? Si vous dites oui, tant mieux pour lui ou pour elle. Mais s'il est seul, je pense pas qu'il y ait de problème non plus. T'sais, fait que c'est toute une question de savoir réellement qu'est-ce qui te manque puis de qu'est-ce que tu veux des autres pour remplir ce manque-là. Puis qu'est-ce que tu veux, combien de temps aussi? Parce que ultimement, tu veux pas manquer indéfiniment et être, entre guillemets, victime du time frame de l'autre, de qu'est-ce qu'il veut vivre dans son temps. Donc, la relation de dépendance à la ressource de l'autre, tu veux pas que ça devienne un handicap dans ta vie. Fait que tu sois à deux, ensemble, ou seul avec des amis qui remplissent le manque, ça revient toujours quand même au fait qu'on veut pas manquer indéfiniment de ce que l'autre peut apporter comme ressource. Ça, c'est un point. Là, on dit, il y a la sexualité. Un homme peut pas être une femme, puis une femme peut pas être un homme. OK. Mais si le sexe est si vital que ça dans la vie, ben, arrangez-vous pour vivre avec un partenaire que ça va vraiment bien. Puis c'est comme la loterie, ça, là. Ça va bien un temps, mais ça va pas nécessairement bien tout le temps. La loterie, tu le gagnes une fois, mais c'est pas un salaire. Fait que ça, si vous avez à le vivre puis vous tombez sur le bon numéro, ben profitez-en pendant que ça passe, parce que ça passe un temps, mais ça passe pas tout le temps. Il n'y a pas un partenaire qui va vous combler 60 ans de temps, c'est pas vrai. Évidemment, les gens, la grande question sur le célibat, c'est est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis célibataire et que je n'aurais pas fait les choses comme il se doit? Évidemment, la question est bien posée, mais la réponse, c'est personne ne doit penser que c'est de sa faute, qu'elle n'a pas fait des choses comme il se doit. C'est en d'autres termes, un karma, une plan de vie qui nous dirige directement dans un processus de célibat. Mais, comme je l'ai dit, on vient pas au monde pour être seul, mais il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de contenir et d'absorber dans notre vie qui exigent un plan de solitude. C'est difficile d'intégrer, c'est difficile de développer une contenance et une volonté si on ne connaît pas des instants de solitude, des instants d'intégration. C'est pas pour rien que les Asiatiques ont développé le zen, ont développé le yoga, ont développé toutes sortes de techniques de méditation pour emmener les gens à développer de la concentration. Les concentrations exigent une forme quelconque d'isolement ou d'intériorisation. On en vient à penser, on en vient à voir, on en vient à évaluer le fait qu'une personne qui a besoin de vivre le célibat, je dis bien besoin de vivre le célibat, c'est pour en arriver à se donner une intégration, à se donner un focus, à se donner une vie qui lui appartienne intégralement, sur lequel il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent compenser des aspects de sa vie qu'elle se refuse d'admettre comme étant des faiblesses ou qu'elle se refuse de voir comme étant des espaces de développement qui sont nécessaires à balancer, à équilibrer et à ajuster pour toucher son autonomie. Être autonome, vous savez, ça prend beaucoup d'énergie. Et souvent, un ego se refuse de dépenser autant d'énergie. Je dirais même de souffrir autant pour en arriver justement à vibrer de l'autonomie. Et cette fameuse autonomie, vous allez me dire, oui, mais on est capable de vivre ça en famille, en collectivité. Oui, c'est vrai en partie, mais c'est sûr que faut développer l'échange dans la vie pour être autonome sur le plan matériel, autonome sur le plan organisationnel. Il faut de l'échange. Et de l'échange, qu'on soit en famille, qu'on soit en couple, qu'on soit en groupe de travail, qu'on soit à quelque niveau que ce soit, ça se fait avec les autres. Mais il y a une chose aussi, c'est que pour développer de l'échange, il faut une capacité d'échange. Et c'est pas tout le monde qui est conscient de sa capacité d'échange. Il y a beaucoup de gens qui mettent en échange une présence, un état d'âme, une forme de sensibilité ou de sentiment d'être que les gens autour d'eux viennent se gaver, viennent prendre gratuitement la dynamique de la personne. Les gens les plus dynamiques, les plus passionnés de la vie, c'est des gens qui sont souvent très exploités parce qu'ils n'ont pas réellement conscience personnelle de l'échange. Ils n'ont pas appris à, on va dire ça comme ça, à négocier leur échange. Ils sont, on va dire généreux, mais dans mes livres à moi, c'est plutôt naïf. Et des gens qui sont justement calculateurs ou des gens qui ont une conscience de la valeur de la personne, les achètent à bon prix, comme on dit. En d'autres termes, les utilisent, les exploitent à bon prix. C'est pour ça que le problème de l'intégration, la recherche de l'autonomie, passe éventuellement par une sorte de négation de l'échange, une sorte de coupure avec l'environnement pour savoir exactement quels sont les éléments, les ingrédients ou les personnes, si vous aimez mieux, qui sont réellement justes dans l'échange, qui répondent réellement à nos besoins. Et ça, c'est long. C'est très long même. C'est pour ça que le phénomène du célibat, pour bien des gens, c'est une occasion, avec beaucoup de temps, ou une étape de temps qui apparaît longue, c'est la longueur apparaît sur le niveau de l'intensité qu'on vit ou qu'on souffre du fait d'attendre qu'on puisse être mis en échange de façon plus limpide, plus libre, plus dégagée du jeu de la négociation. Ben, pendant le temps qu'on attend, on prend conscience de ce que les autres nous font vivre et aussi de ce que l'on fait vivre aux autres. La personne qui va me dire « qu'est-ce que je n'ai pas fait pour être célibataire? » Ben moi, je lui retourne aussi le fait que « qu'est-ce que les autres ne font pas qui fait que toi, tu refuses l'échange? » Parce que les gens n'apportent pas l'ingrédient ou les éléments qui sont nécessaires à ton développement, au respect que tu t'attends d'eux autres dans une relation. Si les gens, pendant des années, se sont gavés de ta présence, sans vouloir équilibrer cette fameuse échange, puis qu'à un certain moment donné, tu dis « non, c'est assez, j'ai plus le goût de vivre ça en couple, j'ai plus le goût de vivre ça en famille, j'ai plus le goût de vivre ça dans un cadre de travail, c'est un droit humain tout à fait admissible, si je peux dire ça ainsi, de refuser de garder ce type d'échange-là où ça l'est. » Il y a bien des gens qui vont dire hey, « pourquoi tu coupes l'échange, pourquoi tu me rappelles plus, pourquoi tu me vois plus ?» Ben, c'est simple, c'est qu'à un certain moment donné, c'est assez l'hémorragie. On veut être respecté. On veut être mis en relief d'une façon intelligente. Et c'est beaucoup demandé d'être respecté. On est dans une société où la performance, où l'intransigeance de la performance et des résultats qui doivent apparaître dans des délais extrêmement courts oblige l'individu à se présenter toujours comme un superwoman ou un superman, mais dans le fait d'être super, de toutes sortes de choses, on est quand même épuisé, vulnérable à certaines époques de notre vie. Et souvent, la solitude ou le retrait du tourbillon d'une vie sociale, que ce soit pour aller se plonger dans la nature, que ce soit par une bonne nuit de sommeil, ou que ce soit par un contact avec des gens qui ne nous font pas performer ou ne sait pas de toujours nous placer dans des jeux d'impression, mais c'est la seule façon de refaire nos forces, c'est la seule façon de retrouver notre concentration, de retrouver notre homogénéité psychologique et mentale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en contact avec des individus qui tirent toujours la couverture de leur côté et que nous, on est pris dans le tordeur, si on peut dire, de leurs exigences? C'est qu'on n'a pas le choix de les obliger à prendre distance. Le célibat, dans le cas qui nous concerne, c'est un peu comme une recherche de la protection de l'intimité. Bon, là, on s'entend pour parler qu'il y a deux formes de célibat. Il y a le célibat qu'on veut vivre et il y a le célibat qu'on subit. Moi, je parle surtout du célibat qu'on veut vivre, que la personne d'intention exige de se créer une paix et de ne pas constamment être bombardé, comme je l'ai mentionné, par les exigences de son milieu, surtout pas dans son intimité. Quand on est en couple, on est obligé de répondre à des attentes. Et c'est correct, ça va comme ça, c'est un contrat. Quand on vit à deux, c'est un contrat. Donc, l'autre a des attentes. Il y a des attentes au niveau de sa sexualité, il y a des attentes au niveau de son territoire, humain, affectif, financier. Il y a des attentes au niveau social d'être reconnu comme étant une priorité par rapport à son environnement humain et social, qui est exigible et qui est en droit, effectivement, de demander. Et ça, évidemment, ça fait partie du contrôle. Surtout quand les enfants commencent à s'ajouter là-dedans, ben, on veut que l'autre donne une priorité à sa famille. Que ce soit pas le travail, mais que ce soit pas les amis, que ce soit pas la famille, je parle des grands-parents, là, qui prédominent dans l'échange. On veut vraiment que dans la structure de couple, l'individu se consacre exclusivement à l'échange. Avec, évidemment, des permissions de se vivre d'une façon occasionnellement libre, mais sans exagération avec l'extérieur. Quand on commence à vivre des déceptions, quand on commence à voir que l'autre ne remplit pas son contrat, et que non seulement il ne remplit pas son contrat pour nos attentes, mais qu'il maintient ses attentes à lui ou à elle, ben là, il y a un déséquilibre qui se crée. On dit, écoute, là, tu me demandes tant, je peux te donner tant, et t'en demandes tout le temps, et en plus, tu me donnes rien pour que je te donne tout ça. Si ça va comme ça, moi, je suis pas capable de tenir le tempo. Conséquemment, ben, je suis pas capable de garder le contrat dans ses ententes de base. Ça fait là que on commence à penser à une séparation. Ça fait là que on ne s'engage pas. S'il n'y a pas eu relation intime plus que dans une fréquentation, ben, on dit, écoute, ça fait quelques années ou quelques mois qu'on se connaît et je vois que ça passe pas. C'est des déceptions qui nous amènent éventuellement à dire « J'aime mieux vivre seul que d'être malheureux à deux. » Et c'est tout à fait intelligent. Parce que de décider de vivre seul, en sachant qu'on peut répondre à certaines attentes, mais qu'on ne peut pas répondre à toutes les attentes, que si l'autre n'est pas capable de réajuster son contrat, ben on ne signe pas. Point final. Et que si l'autre dit « Ah, ben écoute, ça va, là, on réajustera ça en cours de route », ben à un moment donné, on tombe dans le panneau, puis l'autre ben retombe dans des exigences qui n'ont pas d'allure, au bout de, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, dépendant des événements, ça va de soi. Et que l'on se rend toujours compte qu'on n'est pas capable de répondre aux attentes, c'est toujours mieux à ce moment-là de vivre seul que de rendre quelqu'un malheureux, hein? Qui va nous rendre malheureux? Parce que c'est comme une maladie contagieuse. Quand on réussit pas à rendre l'autre heureux ou heureuse dans sa vie intime, c'est évident qu'il va nous empoisonner la vie en quelque part dans le temps pour notre propre équilibre personnel. Ça va bien? Merveilleux. Vive le couple. Ça va mal? Vive le célibat. Faut que les deux conditions aient leurs avantages. Et je vais aller bien plus loin que ça. Je vais vous dire une chose. Si vous avez un couple et que ça va bien, plaignez-vous pas, puis pensez pas que vous avez la mauvaise bébelle entre les mains. C'est au contraire, vous avez trouvé la façon d'être bien dans la vie. C'est balancé, c'est équilibré. Et à ce moment-là, le célibat, c'est quelque chose qui se vit pour les autres. Mais si ça va mal, ne regardez pas le célibat comme un échec à votre couple. Regardez ça comme une alternative pour continuer à trouver un moyen d'être bien. Et être bien, c'est de toujours maintenir un échange avec un environnement qui, là, va peut-être pas être au niveau intime, ça va être plus au niveau social, malgré qu'il va y avoir des points d'intimité, parce qu'il y a des gens qui ont quand même des besoins sexuels qui sont évidents et qui demandent une certaine régularité. Et puis là, ils vont se trouver des partenaires pour pouvoir vibrer ou goûter à une certaine intensité passionnelle, affective, qui est nécessaire et qu'ils ont besoin de vivre d'une façon régulière, mais sans contrat. Mais en ayant un contrat clair, par contre. Le contrat clair étant que on s'engage pas et on n'essaie pas de se vendre des idées que ça peut marcher si on sait que l'autre ne peut pas répondre à une intimité, à un couple qui a ses règles du jeu. Parce que vous pouvez pas jouer à couple et célibataire en même temps. Ça, trompez-vous pas, ça marche pas, ça, cette affaire-là. De dire, je suis célibataire puis je vais vivre du couple ou je vais vivre les avantages du couple en étant célibataire. Non. L'intimité, c'est l'intimité. Il y a un territoire dans une intimité que le célibataire, faut vraiment qu'il signe en bas de la page. Vous ne pouvez pas jouer à deux affaires en même temps. Je vous le dis, vous pouvez l'essayer. Comme en couple, vous ne pouvez pas jouer au célibataire. Vous ne pouvez pas commencer à faire de l'échangisme en pensant que vous allez vivre du couple. Ça, c'est fuck le chien, comme on dit. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont arriver avec des philosophies, puis des psychologies, puis des cibles et ça. C'est tous des bullshitters, c'est tous des gens qui essaient de vous vendre une salade pour vivre juste du sexe, ou vivre juste du feeling, ou vivre juste du désir. Il n'y a pas de couple là-dedans. Un couple, ça demande de l'intégrité, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la permanence, ça demande de l'engagement, c'est un investissement, ça demande de l'énergie financière, ça demande de l'énergie vitale, ça demande beaucoup de choses que si on n'est pas prêt à le mettre, vous êtes mieux de rester célibataire. Tout le monde n'est pas fait pour vivre en couple, puis il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont mieux adaptés comme célibataires que comme des gens qui ont à vivre en relation intime. Bon, vous allez me dire, je suis radical, je suis vieux jeu. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Vous ferez vos propres idées. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que les personnes qui jouent sur deux tableaux, c'est parce qu'ils sont pas définis. Ces gens-là sont très dangereux pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de définition personnelle. Ils sont très dangereux pour les autres parce qu'ils jouent sur deux niveaux. Et puis, ils ont tendance, avec la parole, à mêler le mental des gens qui, eux autres, ont l'instinct de la bonne définition, mais qui ont peut-être pas l'expérience de la bonne définition. Vous êtes célibataire, vous l'assumez, vous êtes supposé être capable de l'assumer pleinement. Mais si pour le sexe, vous êtes pas capable de vivre tout seul, puis que vous avez besoin absolument d'un couple, vous allez fucker votre couple. Vous allez briser le mental de quelqu'un parce que vous avez strictement qu'une seule attente, c'est l'affectivité, et vous utilisez l'autre strictement pour votre affectivité. Ça veut dire que vous seriez techniquement obligé d'être célibataire et que vous auriez à vivre votre affectivité comme quand ça a besoin d'être balancé, pas plus, pas moins. Mais de vouloir engager tout un processus de développement puis d'engagement strictement pour une passion affective, ça, c'est pas bon pour la santé mentale de l'autre. Parce que l'autre, lui, ça se vivra pas strictement sur le plan physique. Puis si à un moment donné, il répond plus, ça arrive, ça, là, il répond plus à la demande sexuelle, vous allez avoir tendance à penser à le flusher, tendance à penser à une séparation, un divorce, ces choses-là. Puis vous allez lui imposer une ligne de célibat que lui, il avait pas envisagé parce qu'il était prêt à s'engager sur une base de 40 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe. C'est pas une question d'année, c'est une question d'intensité. Puis là, en voyant que vous mettez plus, comme on dit, la main à la pâte, ben, il va être obligé de se réorganiser. Bon. C'est là que j'en viens à dire, il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont célibataires parce que la vie les a imposés. Ils sont rentrés en relation avec des gens qui étaient mal définis. Ou qui étaient pas capables de se définir. Ou qui utilisaient carrément l'autre dans sa dépendance affective ou dans ses comportements peut-être un peu instables. Et ils ont utilisé ces gens-là. Puis à un moment donné, on dit « Bon, mais là, c'est terminé. Bye. Ma vie prend une nouvelle orientation. » J'ai quelqu'un que j'ai rencontré dans une soirée qui semble répondre plus à mes aspirations. C'est rough, ça, là. Fait que pensez-y comme il faut. On va en reparler. On a parlé des célibataires qui définissent un besoin d'être célibataire et qui assument pleinement leur isolement apparent en se créant une structure de vie qui leur convient. Mais il y a aussi les célibataires qui subissent les conditions, qui, par le fait d'être, on va dire, rejetés de leur environnement pour toutes sortes de raisons, sont obligés de composer avec le manque d'une relation, le manque d'un couple ou d'une famille, et doivent conséquemment trouver une façon de motiver leur vie à travers un manque affectif quand même important. Ces gens-là, évidemment, sont des êtres qui vivent des crises profondes parce que la solitude est perçue comme un manque, un déséquilibre, est perçue comme une dimension d'échec souvent, et ils sont obligés de trouver en eux des ressources qui sont des structures, une volonté de vivre, qui sont un besoin de créer de l'échange avec un milieu que souvent on a rejeté pendant une certaine époque de notre vie et que là, curieusement, à cause d'une condition d'isolement forcé, on est obligé de se remettre en contact avec des personnes pour rétablir un échange ou établir un nouvel échange avec des gens qui étaient des inconnus et qui, dans un sens, balancent très bien notre effectivité, nos vibrations, notre intellect, notre besoin d'équilibre. Mais quelles sont les raisons pourquoi ces gens-là subissent le célibat? Parce que subir, c'est quand même une condition qui domine l'être et qui n'est pas voulue, qui n'est pas recherchée par l'ego, qui n'est pas recherchée par une forme quelconque d'intention de se libérer. On a plutôt l'impression de se faire enlever quelque chose. Ces gens-là sont célibataires bien souvent, ou même très fréquemment, parce qu'il y a une dysfonction dans un échange. Ça ne veut pas dire que c'est leur faute. Ça veut dire que dans un temps X de leur vie, il s'est créé une sorte d'arythmie, une sorte de débalancement dans la relation financière, affective, un manque de communication, et ils ont été obligés de prendre la décision de transformer leur vie en passant justement par le célibat pour essayer de se retrouver, se restructurer un couple. Ça peut être également des gens qui ont été carrément rejetés par un autre, qui, pour des raisons qui peuvent être valables pour la personne qui les rejette, n'en demeure pour moins des occasions ou des personnes qui ont créé l'occasion d'une dysfonction dans l'échange, dans le dialogue, dans la communication, parce que les besoins ne se rejoignaient plus. Je ne dis pas qu'ils ne se rejoignent pas. Ça veut dire qu'ils ne se rejoignaient plus. Ça veut dire qu'une relation peut faire l'affaire un temps et ne plus faire l'affaire dans un autre temps. Ces personnes qui sont obligées de se recomposer une vie ont la sensation que l'autre est responsable du déséquilibre de leur propre vie. Et si vous voulez vous en remettre, comme on dit, si vous voulez vous rebalancer et trouver dans le célibat un avantage plutôt qu'un désavantage, n'accusez pas. Ne tombez pas dans le jeu de penser que c'est l'autre qui a créé la condition de déséquilibre. Il y a, vous savez, ce qui se passe dans la tête des gens, et puis il y a ce que la vie s'occupe de faire parce que on ne fait pas ce qui doit être fait. Quand une relation a trouvé son échéance, quand elle n'a plus, je dirais, de raison d'être parce que l'échange est trop dysfonctionnel, il y a des événements dans la vie qui engendrent une situation de célibat. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont veufs ou veuves? Est-ce que c'est la vie qui s'est occupée de créer une condition de célibat pour que la personne restructure sa vie? Ça peut apparaître méchant dans un sens, mais oui, effectivement, il y a des conditions comme ça, extrêmes, de décès ou de mort, qui sont imposées dans la vie des gens pour les obliger à se restructurer, se redéfinir une autonomie, se développer une confiance personnelle et aller de l'avant. Pourquoi? Parce que souvent, l'autre empêchait, sans le vouloir nécessairement, pas nécessairement par mauvaise volonté ou mauvaise attitude, mais empêchait ou créait un obstacle à l'évolution de l'individu. Ce sont pas rares les femmes qui aujourd'hui sont seules à cause d'un mari qui est décédé, qui sont obligées de reprendre de A à Z leur perception de la finance, du contrat social, de se refaire des amis, de se restructurer au niveau de qu'est-ce qu'ils ont à mettre en échange avec les autres. Et ça devient évidemment complexe, mais c'est un mal nécessaire dans un sens pour développer une plus grande force de caractère, pour développer une plus grande autorité, pour être capable finalement d'assumer une ligne de pensée, une ligne de conduite qui se doit d'être ajustée avec l'extérieur. Il y a trop de gens qui s'isolent, qui essaient carrément de se créer soit à travers leur intimité ou à travers un réseau de contacts extrêmement limité. Là, on parle de 2-3 personnes. Ils essaient de s'installer un petit monde et essayer d'évoluer ou essaient simplement de survivre à l'intérieur de ce réseau d'échange très limité, très restreint. Ce n'est pas de santé et c'est une des sources souvent occultes, j'entends, qui font que la personne est obligée de passer à une vie de célibataire pour recomposer son échange, pour se replacer en disponibilité, pour établir justement un réseau de contacts qui lui permette de balancer son affectivité, sa vie mentale, sa vie, sa liberté, et développer un centre décisionnel plus stable, plus solide. Les forces du célibataire sont dans la capacité de décision, qui souvent se veut non pas nécessairement supérieur, mais se veut obligatoire d'être en position de décision pour pouvoir trouver son centre de gravité. Un être qui est célibataire ne peut pas se fier sur personne. Il est obligé de se fier sur lui-même ou sur elle-même et de donner à sa vie une puissance, une autorité, une force de caractère qui lui permet effectivement de s'équilibrer. Si vous comprenez ça, vous ne subirez pas votre célibat. Mais si vous voulez tout le temps être pris en charge, si vous recherchez constamment un partenaire pour vous prendre en charge, vous ne serez jamais capable de supporter votre solitude et vous allez faire des erreurs par-dessus erreurs pour la simple et bonne raison que vous allez toujours chercher à ce que quelqu'un vous domine ou quelqu'un ait autorité sur l'organisation de votre vie afin que vous soyez, je dirais, placé en remorquage, ni plus ni moins, par le centre décisionnel de l'autre. Après ça, vous allez dire « il me domine ». Si vous êtes célibataire, il y a une raison, c'est pour détruire en vous l'accusation portée à l'autre de toujours vous nuire ou vous empêcher d'eux. Arrêtez de dire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, puis faites ce que vous, vous voulez faire pour vous sans que l'autre soit dans le portrait tout le temps. C'est là que vous allez comprendre à quoi ça sert d'être seul, à quoi ça sert de développer un centre de gravité comme célibataire. Quand vous allez revenir en couple, ben vous serez neutre. Vous ne serez pas un élément de dépendance affective. Vous ne serez pas un élément qui va constamment dépendre du comportement émotif de l'autre. Et ça, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de l'ego, mais c'est souvent pour ça qu'on subit le fameux célibat. Le célibataire endurci, qui se sait capable de vivre en couple et qui a la capacité de trouver les ingrédients qui font qu'il s'entend bien avec les gens, ça ne l'oblige pas à vivre à deux, mais ça lui permet de trouver un point de contact avec les autres pour ne pas couper l'échange et entretenir ce qui est vivable dans une relation. Ça, c'est intelligent. Donc, on va dire il est endurci, mais dans le fond, il fait simplement équilibrer sa vie entre le social et son intimité et ne cherche pas à se placer en situation d'initiation parce que déjà, ce qui se passe en termes de rapport, c'est suffisant pour le faire se re-questionner ou se faire réévaluer sa vie par rapport à d'autres. Mais il n'est pas obligé de connaître la grosse douche froide de l'intimité intense pour pouvoir se placer en situation de développement. Donc, un célibataire peut très bien avancer, très bien se développer, dans la mesure qu'il ne se sent pas victime de sa condition. Quand on subit le célibat, c'est parce que, en quelque part, on a un problème dans l'échange et c'est ça qu'il faut régler. Quand on règle le problème de l'échange, on se rend compte qu'il est très important d'être dans des rapports intimes avec les gens d'une façon progressive. Et cette progression-là, c'est ce qui permet d'établir un respect et c'est ça qui empêche de glisser dans une passion extrême qui fait qu'on se perd de vue. Prenez tous les célibataires qui ont du chemin, là, qui ont roulé le boss dans le monde du célibat, là, qui ont plusieurs années de célibat. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont très, très bien définis dans ce qu'ils s'attendent dans un échange, de ce qu'ils veulent vivre dans un échange. Puis c'est des gens qui ont brûlé beaucoup de naïveté, qui ont brûlé beaucoup d'illusions, qui sont sérieusement ajustés par rapport à la déception et qui ne cherchent pas d'aucune façon à s'interpréter comme un manquement. Ce sont des êtres qui sont capables de se regarder fort et non pas de se regarder faible. Et ça, évidemment, c'est un élément qui fait réfléchir les gens qui ont peur du célibat parce que on se dit comment il fait pour être bien, comment il fait pour être heureux, comment il fait pour être capable de balancer sa vie tout seul. Mais c'est justement, il se protège contre la déception. Ou les déceptions qu'il a vécues, il les a suffisamment intégrées pour être capable d'établir des échanges avec un environnement. Et quand il semble que dans l'environnement, on veut lui faire regoûter à une déception, ben il s'éloigne sans faire de saccage, sans faire de débat, sans s'imposer une séparation ou un divorce qui fait des crises de larmes inutiles. Et là, à ce moment-là, il ne subit pas le couple et il ne subit pas sa condition de célibataire. Il gère simplement son bateau. Là, vous allez me dire, évidemment, « Ouais, mais c'est le couple qui est le mieux. » Oui, il y a bien des façons de le voir. Vous pouvez faire un travail toute une vie, puis c'est là que ça se passe. Vous pouvez avoir des relations publiques, des relations sociales avec une multitude de gens, et ça peut être là que ça se passe aussi. Ça se passe pas juste dans le couple. C'est pas juste la sexualité qui tient les gens ensemble. C'est la communication. La communication, ça n'a pas besoin d'une intimité énorme. Ça a besoin de gens honnêtes, intègres, sur lesquels on peut avoir une confiance, et il peut se créer autant de proximité et d'intimité dans le dialogue que sur une vie sexuelle intense ou passionnée, qui de toute façon, après un certain nombre d'années, va s'éteindre. Tandis que la communication, ça dure 30 ans, 40 ans, 50 ans, 200 ans. On n'est jamais au bout de la vibration de la communication, mais on prend le bout de la sexualité. C'est une question de quelques années seulement. Je ne veux pas débattre la valeur du couple, mais je veux faire comprendre que le célibat, ce n'est pas une infirmité. Et quand on subit le célibat, c'est parce qu'on a un sérieux problème de valeur de soi dans l'échange. On a un problème à se placer en échange pour créer un équilibre dans nos rapports avec les autres qui peuvent abuser de nous ou que nous, à un niveau quelconque, on peut abuser des autres. Il faut regarder ça dans les deux sens. Parce que oubliez pas, celui qui subit le célibat a une tendance très forte à accuser l'autre de son déséquilibre. Et ce n'est pas parce qu'il y a des bonnes raisons. C'est simplement parce qu'il faut qu'il regarde la vie à partir de ce que la vie lui impose comme événement et de regarder dans sa cour, pas dans la cour de l'autre. Je vous le dis, regardez ce que vous vivez comme étant un avantage et non pas comme un désavantage et vous allez régler beaucoup de problèmes.